Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le dernier génocide du siècle au Rwanda, en 1994. 20 ans déjà, 24 ans même pour être précis. Et chacun d'entre nous se souvient de ne pas avoir compris ce qui s'est joué pendant des semaines entre deux communautés, deux ethnies. Reste donc l'horreur et la stupeur. D'avril à juillet 1994, cette folie meurtrière de masse qui a fait entre 800 000 et 1 million de victimes en seulement 3 mois. Pour la plupart, des Tutsis assassinés par des Hutus. Longtemps, on a décrit la tragédie du Rwanda comme le fruit d'une fureur spontanée, incompréhensible, inattendue. Mais ce n'était pas la réalité. En vérité, c'est le racisme interethnique dans lequel ce pays s'est construit depuis deux siècles qui explique en partie ce génocide. Cela fait 24 ans que les historiens, les journalistes et la justice internationale et locale mettent des mots sur ces jours où lui défolent de la destruction totale de l'autre, du voisin, du Tutsi, a germé puis s'est concrétisé. Au risque de nous heurter à l'inimaginable, nous allons nous replonger au Rwanda durant ces mois de folie où tout avait été soigneusement planifié par l'État qui mobilisera l'armée, l'administration et une partie de la population dans ce funeste projet. Notre invité aujourd'hui, Florent Piton, auteur d'un livre intitulé « Le génocide des Tutsis du Rwanda » aux éditions La Découverte. Nous entendrons également le reportage de Gaylor Randy-Mersch qui s'est rendu auprès d'un Tutsi dont la famille a été massacrée lors du génocide. Il vit aujourd'hui à Bruxelles. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vous écoutez la radio-télévision libre des mille collines. Nous sommes là pour vous, chers amis auditeurs, à votre service. Il y avait de toutes les nuits des grenades qui sautaient dans les quartiers, à Nyamirambo, à Gikondo, dans tous les quartiers. On entasse les gens dans les églises. Bernard Kouchner. On arrose. 18 mai 1994. Le toit avec de l'essence, on met une grenade. On a vu tout ça. Alors il faut rappeler quelque chose quand même. Il y a un groupe majoritaire, environ 90%, qui s'appelle les Hutus. Il y a un groupe minoritaire qui s'appelle les Tutsis, 10%. Les Hutus tuent les Tutsis. Tous, ça s'appelle un génocide. Bonjour à toute la population rwandaise et une salutation particulière à ces habitants de Kigali et d'ailleurs dans le pays qui font la ronde nocturne chaque jour. Si on n'y va pas tout de suite, ça sera pour 10 ans, 20 ans. Faut y aller tout de suite. Mais... Au début de l'histoire, il y a eu la colonisation et la construction d'un discours colonial, précisément autour de deux castes transformées en ethnies, l'une Tutsi minoritaire, l'autre Hutu majoritaire, qui partageaient pourtant une même langue, les mêmes croyances, la même culture et une histoire commune de plusieurs siècles. Puis il y a eu la décolonisation bâclée, une indépendance née dans le sang. La révolution sociale de 1957 à 1962 marque l'avènement d'un pouvoir et d'une prééminence Hutu à la tête du pays, provoquant un premier exil de milliers de Tutsis. À la fin des années 80, l'économie rurale vertueuse pendant des années s'essouffle et la faim réapparaît dans certaines régions. La guerre également. Les réfugiés Tutsis sont alors près de 600 000 disséminés dans les pays voisins. En 1987, un mouvement débouche sur la création du Front Patriotique Rwandais, le FPR, Mouvement Politico-Militaire Tutsi. C'est au début du mois d'octobre 1990 que la guerre civile éclate. Les hommes de Paul Kagame, leader du FPR et actuel président, lancent l'offensive et pénètrent sur le territoire rwandais. Ils sont stoppés par les FAR, les forces armées rwandaises du président Juvénal Habyarimana, soutenu par ses alliés français et belges. Dans le même temps, on encourage la démocratisation du pays. En 1991, le régime rwandais légalise le multipartisme, ouvre un nouvel espace de liberté et d'expression. Des formations d'opposition voient le jour, mais aussi des partis extrémistes violents, comme la coalition pour la défense de la République de Jean Bosco Barayaguiza et sa milice qui promeut une haine farouche anti-Tutsi. le champ politique se radicalise sous le regard des autorités internationales qui pensent tout de même trouver une sortie de crise à la fin de l'année 93 avec les accords Arusha. Ceux-ci préconisent le rapatriement des réfugiés, le retour du FPR dans le jeu politique et la mise en place d'un gouvernement de transition. Une mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda supervise l'opération. Il s'agit de la mission MINUAR qui envoie 2500 hommes en octobre 93 dans la région. Voilà, au début de l'année 94, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais entre avril et juillet, plus de 800 000 personnes, 1 million selon certaines sources, sont exterminées, soit les trois quarts de la population Tutsi. C'était il y a 20 ans, c'était hier. Printemps 1994, les accords d'Arusha se mettent difficilement en place. Les militaires français laissent place au contingent des casques bleus de la MINUAR. En décembre 1993, ce sont les soldats du FPR, Force Patriotique Rwandaise, qui arrivent à Kigali. La tension est palpable, mais les différentes étapes vers la paix se poursuivent, croit-on. Car une résistance s'organise. Une opposition aux accords se forme autour du courant dit Hutu Power, hostile à toute négociation et surtout farouchement anti-Tutsi. En 1990, le bimensuel Kangoura publie les 10 commandements des Bahutu, où il implore la fin de toute pitié à l'encontre des Tutsis. En 1992, on peut lire dans ses pages que la nation est artificielle, mais l'ethnie, elle, est naturelle. Les pousses au crime n'ont qu'un rêve, celui d'une terre sans Tutsi. À partir de juillet 1993, les mots assassins se font entendre sur les ondes d'une radio subrepticement, au cœur des programmes enjoués de la radio-télévision des Mille Collines, la RTLM, une radio commerciale installée sur la plus belle avenue de Kigali. Très vite, elle est écoutée sur la quasi-totalité du territoire. Elle accompagne désormais la majorité des Rwandais, Hutus comme Tutsi. La plupart des Rwandais ne savent pas lire, alors s'informer se limite à écouter la radio, justement. Au début du mois de mars 1994, un nom revient quotidiennement sur les ondes de la RTLM, celui d'Agathe Uwilingiyimana, premier ministre du gouvernement qui a signé les accords d'Arusha. Sur les ondes de la radio extrémiste, cette femme est apparentée aux forces du RPR et vilipendée comme une traître à ses frères. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de RTLM. Vous écoutez la radio-télévision libre de Mille Collines. Il va être 12h dans un peu moins de 18 minutes à Kigali. Le départ d'Agathe Uwilingiyimana devient urgent. De plus en plus, le Premier ministre semble faire partie du FPR et non refléter l'opinion du gouvernement rwandais qu'elle garde de se réunir. Elle répète comme un fidèle et zélé allié les prises de position d'Ezingotani. Pourquoi ne la remplace-t-on pas par un perroquet? Elle coûterait nettement moins cher. Son entretien se résumerait à quelques arachides plutôt que les 1 500 000 francs mensuels qu'on lui verse. Vraiment, il paraît clair maintenant que son départ est nécessaire. À côté des Tutsis, les critiques se dirigent aussi contre les Hutus modérés. La radio des Mille Collines prophétise depuis plusieurs mois une action contre les Hutus préparée par les Tutsis. On distille la peur et le complot tout en préparant les âmes et les corps à répondre à toute agression. Et en ce début du mois d'avril 1994, le présentateur fait des annonces étonnantes où il sous-entend que quelque chose va se passer à Kigali. Alors, Moussa Bimana Emile, tu entends ? Kiloso, tu entends ? Kalisa, tu entends ? Keto, tu entends ? Ils font le taxi-voiture à Giporoso. Les Zoulous ne vont pas vous épargner. Ils sont vaillants. Les Tutsis furieux du Front Patriotique Rwandais veulent s'emparer du pouvoir et le prendre avec des armes. Ils veulent faire quelque chose en ce jour de Pâques. Ils disent qu'ils ont des dates. Dans le FPR, on a des complices. Ils nous ont dit que le 3, le 4 et le 5, il se passera quelque chose dans la ville de Kigali. Même le 7 et le 8. Trouvez donc des armes à feu ou des grenades. Tout ça, c'est à cause des Tutsis qui foutent le bordel. Le 6 avril 1994, c'est dans le ciel de Kigali que se joue un épisode fondamental. Un avion est abattu, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de celui du président rwandais, Habyarimana. Aujourd'hui encore, les circonstances de cet attentat ne sont pas totalement élucidées. Une seule vérité demeure, les Hutus saisissent l'occasion et accusent les Tutsis, une aubaine criminelle. Le lendemain, les extrémistes Hutus prennent les rênes du pouvoir avec à leur tête le colonel Bagosora. Sur nos chaînes de télévision, l'info se limite à l'attentat perpétré contre le président en France notamment. Le soir du 7 avril, sur Antenne 2, un ressortissant européen sur place raconte l'atmosphère, les premiers combats, la peur qui s'installe à Kigali. Il y a beaucoup de tensions, on entend des tirs, des explosions, grenades, meurtriers. J'ai des indications qu'il y a des maisons qui sont pillées. Je suis pas en mesure de vous dire exactement qui tire contre qui. À ce stade, c'est impossible. La sécurité est telle qu'on ne peut pas se permettre de se déplacer. C'est simplement trop dangereux pour tout le monde. Et puis, évidemment, pour cette nuit-là, alors on craint le pire. Voilà, il ne sait rien de plus. Comme les autres journalistes, il est cantonné chez lui. Et les infos ne concernent que le front. Parti de Mulindi, au nord du pays, le FPR de Paul Kagame et les forces armées rwandaises s'affrontent. Mais autre chose se prépare. Une action planifiée, préméditée. Le 7 avril, la première ministre Agathe Uwilingiyimana, seule à pouvoir appeler au calme, est assassinée avec son mari chez elle. Les casques bleus de la Minoire, en charge de sa protection, sont eux aussi assassinés. D'autres personnalités du pouvoir et de l'opposition sont les cibles des milices. Leurs noms sont annoncés sur les ondes de la radio Milcolin. Dans le même temps, dans les régions frontalières, des Tutsis sont massacrés. La fuite vers l'extérieur devient quasi impossible. Le génocide s'organise dans un huis clos où désormais seule la chance devient le recours. Dans chaque région, l'étau se resserre sur les populations Tutsis chassées par les milices et leurs voisins qui participent pleinement à l'horreur. Le 11 avril, les nouvelles autorités convoquent les préfets des différentes régions du Rwanda. On leur donne pour consigne d'organiser au mieux le travail. Oui, le travail, qui n'est autre que l'assassinat de l'ensemble des Tutsis, hommes, femmes, enfants. L'administration obtempère. Et partout, les mêmes scènes se déroulent. Les Tutsis sont rassemblés, on les encercle et on les tue. Au seul motif qu'ils sont Tutsis. Non, on ne les tue pas pour ce qu'ils ont fait, qu'ont-ils fait d'ailleurs. On les tue pour ce qu'ils sont. Les images de ces horreurs ne sont pas diffusées car elles n'existent pas, ou très peu. Le 9 avril, ce sont les mots du journaliste de RFI, Jean Hélène, qui nous alerte. Les massacres continuent, en effet. Je suis allé à l'hôpital, les blessés continuaient d'arriver. Je sais que cet après-midi, une famille entière a été massacrée dans l'enceinte d'une mission religieuse où ils avaient trouvé refuge. Et dans l'hôpital, bon, c'est une morgue qui déborde de cadavres, qui s'empile, et puis des salles d'urgence où on marche dans le sang, des blessés couverts de plaies, donc qui gémissent. On voit des enfants, des vieillards, des femmes, sans aucune distinction. Dans 16 minutes, il sera 10 heures dans notre blindé, et nous sommes obligés désormais d'émettre. Dans le journal du 12 avril d'Antenne 2, on voit des corps jonchant les rues de Kigali. Et puis au loin, des hommes qui en massacrent d'autres à coups de machette dans les rues en plein jour. Des bribes d'images, quelques secondes capturées de l'horreur, puis des mots, des appels à l'aide, comme celui de Vénuste Kaimaye, un Tutsi employé au Centre culturel français où il se cache. On est dans une situation presque d'assiégé. Parce qu'il y a dehors les miliciens, les militaires, tous qui peuvent nous tuer, qui viennent de massacrer tout ce monde dans la ville de Kigali. On est condamné, quoi. On est condamné, on est résigné, on attend, bon, on attend un miracle ou alors la mort, tout simplement. Un miracle ou la mort. Et l'ONU alors ? Les principales puissances occidentales ont bien pris connaissance des exactions en Rwanda. Dès le 9 avril, elles envoient des troupes pour venir au secours de leurs ressortissants, strictement pour les ressortissants, et non pas pour s'opposer aux tueries en cours. Même son cloche aux Nations Unies où le 21 avril, après 15 jours de massacre, le Conseil de sécurité décrète le retour de la quasi-totalité du personnel de la MINUAR. Seules 270 personnes sur 2539, dont la moitié sont des civils, restent au Rwanda. 6 jours après, la France reçoit les représentants du gouvernement intérimaire, celui-là même qui est en train d'organiser le génocide. Le lendemain, certains cris arrivent tout de même à nous, dépassant la ligne de front de l'information, comme ici, sur RFI, le 28 avril. On peut entendre Daniel Jacobi, président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Il lit le témoignage d'un assiégé de Kigali. Ici, c'est la tragédie, le génocide continue. À Kigali, les tueurs cherchent ceux qui se sont cachés et les tuent. Hier, ils ont tué 70 à Nyamirambo, enfants, vieillards, femmes enceintes. Parallèlement, les pilonnages à l'artillerie lourde continuent. Dans le pays, tous les Tutsis ont été sauvagement massacrés par les tueurs envoyés de Kigali. Aucune personne, surtout Tutsi, n'a été épargnée. Même les anciens préfets de Kibongo et Butare viennent d'être massacrés. Dans la préfecture de Butare, il y a plus de 100 000 tués. Hier, c'était Nyanza. Nous, à l'hôtel, nous sommes plus ou moins 500. Il y a seulement 6 soldats de la MINUAR qui nous gardent, mais plusieurs tentatives ont été faites pour nous assassiner. Nous sommes depuis une semaine sans eau, sans nourriture. Les blessés ne sont pas soignés, les femmes accouchent. Faites quelque chose au plus vite, criez au monde notre tragédie. Nous voulons vivre, aider à vivre. Excuse-moi pour l'écriture, je tremble. La force, je suis au bout, c'est signé de quelqu'un que je connais personnellement. Génocide, le mot est prononcé, mais les images sont encore absentes. L'horreur est vue de loin, l'information se limite à l'aéroport de Kigali et au secours des étrangers, et seulement à eux. Le reste est une affaire africaine. Kigali et le Rwanda sont abandonnés à leurs démons, à nos démons. Sans images, les médias regardent ailleurs, vers l'Afrique du Sud, par exemple, où Nelson Mandela remporte les élections présidentielles. Une page se tourne en Afrique du Sud, une autre s'ouvre dans le sang, Rwanda. Le crime contre l'humanité est hors champ, hors de conscience, et c'est bien pour cette raison qu'il a pu être perpétré. J'étais à l'étage dans la chambre en train de déguster un étage alléchant en lisant quand du boucan à l'entrée m'a fait oublier mon festin et mon bouquin. Je sais plus à quelle heure, mais plein de gens ont débarqué chez moi, plein de colère. J'ai reconnu des voix, celle du tailleur de mon père et celle du coiffeur de ma mère d'ailleurs. Il y avait même des collègues à eux. Paraît que la maison est pleine de cafards et qu'ils savent quoi faire. Moi j'ai jamais vu mon père chasser la blatte à la machette. Ma mère pleurait et moi apeuré, j'ai gagné à la hâte ma cachette. C'était pas de la blague, je vais sûrement passer pour un gosse bête. Mais sur le moment j'ai pensé qu'il s'agissait de grosses bêtes. Je suis dans le bad, en bas on dirait que les grands se battent. Tous crient, paraît que je suis tout si, mais moi j'y comprends rien, je suis tout petit. Certains rient, mais mes parents prient et moi rempli de peur, j'allais les rejoindre quand la bonne est venue m'enjoindre de rester caché. Non, c'était pas un jeu, j'ai vu dans ses yeux que j'étais en danger, donc j'ai Natchav sous le lit. 100 jours plus tard, l'ONU parlera de génocide, mais je les cite, dans ces pays-là, c'est pas bien grave. Papa est mort en brave, maman dans ses bras en larmes, priait pour qu'on l'épargne. Le premier coup de machette lui brisa net la mâchoire, alors elle pria pour que son calvaire s'achève. C'est sur son crâne que le second coup vint choir, plus d'échappatoire, plus de choix, alors elle pria pour que moi, la chair de sa chair, je m'échappe, mais égrener le chapelet, toute son existence ne permet pas d'échapper à d'affreuses souffrances. Les prêtres mentent apparemment, j'entendais pas qu'ils montent mais c'est pas maman. Dans l'escalier, est-ce que les cafards c'était nous? Je comprends pas, paraît que je suis tout petit, mais moi j'y connais rien, je suis tout petit. On nous a dit qu'il fallait aller tuer les Tutsis. J'avais une machette et un gourdin. Quand je pense tous ces gens qui sont morts, il n'y avait pas de problème entre nous. C'est pour ça que ça me fait mal. Je regrette, j'ai des remords. Et je demande toujours à Dieu de me pardonner. Au Rwanda, pendant toutes ces semaines, la violence est partout, verticale dans son organisation et horizontale aussi, car elle touche tout le monde, toutes les familles, celles des victimes comme celles des bourreaux. Hier, voisin, oncle, cousin, aujourd'hui tueur ou pourchassé, la mort est à proximité donc partout. Les Tutsis se réfugient sur les collines, dans les lieux où ils pensent être en sécurité. Les milices les encerclent, les privent d'eau et de nourriture, puis les assassinent à la grenade, aux armes à feu, aux tournevis, à la machette. Chaque jour, le travail est fait, poste de radio allumé pour recevoir les félicitations des orateurs, de radio des mille collines, la voix du sang, celle qui félicite pour la chasse aux cafards, entendez par là, dans leur esprit, les Tutsis. Vous écoutez la radio-télévision libre des mille collines. Nous sommes là pour vous, chers amis auditeurs, à votre service. Pendant la guerre, nous ne vous abandonnons pas, nous continuons de combattre. Où que vous soyez, venez combattre ici, à Kigali. C'est là que la guerre est plus intense. C'est là que les Inkontani se lèchent les babines en disant « On aimerait bien voir la capitale du pays des Hutus, mais on ne va pas le leur donner. Nous nous y entretuerons. » J'aimerais dire bonjour aux jeunes qui sont près de l'abattoir. L'abattoir qui est près de Kimisagara. Je ne connais pas l'endroit. Hier, je les ai trouvés en train de danser le zouk. Ils avaient même abattu un petit cochon. J'aimerais vous dire que... Ah, ce que vous m'avez donné à fumer, ça a eu un mauvais effet sur moi. J'ai tiré 3 bouffées. Et c'est fort, mais il paraît que ça vous donne courage, vraiment. Alors gardez bien le caniveau pour que demain aucun cafard n'y passe. Et fumez donc cette petite chose et réservez-lui un mauvais sort. Ah, ça vient du dos de crocodile. Elle a eu un mauvais effet sur moi, mais je l'ai fumé. Que les fournisseurs vous en approvisionnent en quantité pour que vous soyez durs, que vous soyez enragés et que nous puissions combattre pour notre ville, pour notre pays, chers frères. Alors bon courage, restez à l'écoute de RTLM, il est midi, 2 minutes. Les corps s'amoncellent dans les rues de la capitale. Fin avril, les autorités rwandaises les font évacuer à l'aide de camions bennes et de tractopelles vers d'énormes fosses communes. À Kigali, près de 67 000 corps sont ramassés par les autorités rwandaises pour éviter les épidémies et les images. On organise l'extermination des Tutsis, comme la défense de la capitale contre l'avancée des troupes du FPR, méthodiquement. Dans ce chaos, quelques milliers de vies sont sauvées par la Croix-Rouge et Médecins sans frontières encore présents au Rwanda. Et puis il y a aussi, au Rwanda comme ailleurs, en cas de génocide, des fragments d'humanité dans les rangs Hutus, des justes qui protègent des Tutsis, souvent leurs voisins. Ma femme portait notre enfant dans le dos, dans un sac. Ils l'ont découpé à la machette parce qu'elle ne marchait pas assez vite. Un mois après le début du génocide, la communauté internationale ne bouge toujours pas. Dans nos journaux, on hésite sur les mots à utiliser. On parle d'anarchie, de tuerie, de combats interethniques, de massacres, de guerre civile. Mais le mot génocide se limite à quelques papiers, ici et là. Quand on voit que l'ONU quitte le Rwanda, est-ce qu'on laisse pas un peu ces populations à l'abandon ? Monsieur, ils n'ont rien fait. C'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut dire. La MINUR n'a rien fait. À la mi-mai, Bernard Kouchner, ancien secrétaire à l'action humanitaire, tente de rejoindre Kigali pour négocier un corridor humanitaire. Une caméra l'accompagne. Le 14 mai, sur Antenne 2, lui aussi parle de génocide. 2 jours plus tard, c'est sur le plateau de TF1 qu'un second cri est lancé. Celui de Jean-Hervé Bradol, président de Médecins sans frontières, de retour de Rwanda, après un mois passé auprès des équipes de MSF et des membres du CICR. Il raconte l'atrocité du quotidien, les blessés Tutsis qu'on sort des ambulances pour les abattre. Les ingrédients du crime contre l'humanité sont réunis. Depuis un mois, la ville de Kigali a été complètement quadrillée. Les maisons sont fouillées une par une pour en extraire toute la partie de la population qui est suspectée être hostile au courant le plus extrémiste de l'armée. Les gens qui sont suspects de cette hostilité sont exécutés avec toute leur famille. Ça veut dire les bébés, les femmes, les vieillards, absolument tout le monde. Et cette politique, c'est une politique délibérée, systématique, planifiée d'extermination. Je sais pas, c'est comme si aujourd'hui on était en train de parler en France de 4 millions de morts en un mois, à la suite d'un conflit politique. Au même moment, au Rwanda, des journalistes comme Patrick de Saint-Exupéry pour Le Figaro, Daniel Mermet pour France Inter et Jérôme Bastion pour RFI arrivent. Ils sont passés par les premiers camps de réfugiés du Burundi ou de Tanzanie, puis ils pénètrent en territoire rwandais. C'est un jour du mois de mai 1994. C'est le silence qui accompagne leur pas. Un ciel bleu sans nuages, la chaleur, comme si l'air, la terre et le ciel n'avaient pas retenu les traces de la souffrance, les cris de ces dernières semaines. Puis, l'horreur apparaît. Un cours d'eau charrie des corps. Là, à quelques mètres, Daniel Mermet témoigne. Là, c'est encore pire. Dans un tourbillon, il y a un amalgame, une véritable grappe de corps, comme ça. Une autre femme, un enfant, des chairs blanchâtres, bleues. Et ils tournent en rond, c'est comme une danse, c'est comme une... Il y a un enfant, très... On se demande combien ça fait en tout. Parce qu'on a sous les yeux, là, je vois une jambe de gosse. Une jambe qui flotte, après dans l'herbe là-bas qui tournoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on n'ose pas, on ne sait plus si c'est du bois qui flotte, si c'est des corps, si c'est... On voit que ceux qui sont retenus quelques instants comme ça avant de repartir. Ainsi, on reconstruit peu à peu les images manquantes du génocide. Les mots ici font écho à ceux de la radio des Mille Collines. On entre alors dans ce qui était avant le hors-champ, et à chaque pas, l'impensable, les atrocités qu'on a refusé de voir, surgissent. On va essayer d'entrer dans l'église. C'est une église en briques. C'est une odeur épouvantable. L'odeur est obtenue. L'odeur est. C'est de l'acre. L'hôtel. À l'hôtel même. On peut voir, vous voyez le cadavre. Ouais, je vois, je vois. Je vais partir entre les bancs, partout. Des cadavres. Derrière les murs. Mais ils ont été tués comment? Avec des grenades avec... Des grenades, oui. C'est des grenades. Des gendarmes. Et déjà des intérêts qui étaient entraînés. On avance dans la mort. C'est vous voyez les chiens? C'est terrible, terrible. Les chiens sont en train de manger les cadavres. Vous voyez, les personnes. On voit complètement décomposé un os qui sort d'un tas de tissu. On peut sortir? Oui, on va sortir. Ah, c'est l'odeur, putain. Ah! Les gendarmes, ils étaient là, moi, étaient ici près. Quand je prenais la fuite, j'ai pris la forêt ici. Mais tu étais avec les gens, toi, tu étais avec oui, eux. Oui, j'étais. Mais raconte-moi ce qui s'est passé. Nous avions accueilli plus de 2500 personnes. Dans l'église? Ici. Ces gens sont venus se cacher dans l'église. Justement, ils venaient ici parce qu'ils croyaient trouver la protection, la sécurité ouais, ici. Ouais. Et les gens prenaient la fuite. En se réfugiant dans les maisons des religieux et religieuses. Et donc, vous vous êtes tous enfermés dans l'église? Non, pas enfermés. Mais ils circulaient ici, vous voyez. Les gens circulaient, ils avaient peur, ils voyaient les morts imminentes. Ils n'avaient pas où se réfugier. Alors, les gens, il y a la femme, les enfants, les gens, ça. Tu n'ont pas pu. Échapper à la mort. Vous voyez les cartes d'identité ici, par exemple. C'est une carte d'identité. Carte d'identité. Mais c'est, vous voyez le. Le nom est effacé. Effacé. Mais quand même la figure de la personne, vous pouvez, on peut. Voilà. Ceux qui avaient la force de. T'as sur quoi tu marches? C'est des ossements humains. Tu marches sur des ossements. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, vous voyez. Ceux qui avaient la force, nous avons pris la fuite. Tout le monde essayait de sauver sa vie. De sauver sa vie. Dans les couffins de ciel. Pendant ce temps, en France, on se souvient d'autres massacres, d'autres morts. Le 10 juin 1994, François Mitterrand commémore Oradour-sur-Glane, 50 ans avant, dans le Limousin. Et le président français annonce. Nous ne voulons pas que cela recommence. Il appartient aux générations prochaines de bâtir un monde où les oratours ne seront plus possibles. Mais depuis le 6 avril 1994, des centaines d'oratours ont lieu au Rwanda. Les reportages et les témoignages se multiplient, l'opinion publique est enfin touchée. Le 22 juin, la France, autorisée par la résolution 929 du Conseil de sécurité de l'ONU, a pour mission de mettre fin au massacre partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force. L'opération turquoise est lancée. Dans le même temps, les hommes du FPR de Paul Kagame prennent Kigali au début du mois de juillet. Désormais, dans les camps de réfugiés aux frontières des pays voisins, des Tutsis pourchassés voient arriver des Hutus, ceux qui ont voulu les exterminer, désormais obligés de quitter leur maison avant l'arrivée des hommes du FPR. Bourreaux et victimes se retrouvent dans ces camps de réfugiés. Dans les semaines qui suivent l'arrivée au pouvoir des hommes du FPR, des exactions contre les Hutus auront lieu, des vengeances bien sûr, et donc d'autres morts. Le Rwanda est un échec pour la communauté internationale, pour sa conscience, pour l'ONU, mais aussi pour la France. Quel a été son rôle pendant les années de guerre civile? Quelles ont été ses relations avec le pouvoir génocidaire? Quel a été son poids dans le choix de l'ONU de ne pas intervenir au mois d'avril? Le 17 juillet 1994, date de la fin du génocide, selon le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ce pays est un charnier à ciel ouvert où l'on compte entre 800 000 et 1 million de victimes en 3 mois, dont 60% ont été assassinés pendant les 3 premières semaines. 200 000 viols ont été estimés, donnant naissance à environ 5 000 enfants. Ils étaient Tutsis, ils étaient Hutus. Le drame du Rwanda nous renvoie à ce que disait Albert Londres, notre maître à tous, journaliste. Il faut éclairer les zones d'ombre, il faut aller porter la plume dans la plaie. Celle du Rwanda était béante, nous ne l'avons pas vue. Je le répète, chaque heure compte. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le génocide au Rwanda en 1994. Notre invité Florent Piton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez d'écrire le livre intitulé « Le génocide des Tutsis du Rwanda ». À la découverte, vous êtes chercheur en histoire à l'université Paris Diderot et au centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Bref, vous êtes historien. Exactement. Alors, pourquoi cette double décision qui va dans le même sens, d'écrire un livre sur cet épisode dramatique et une thèse? Qu'est-ce qui vous pousse à chercher encore? Alors, sur le livre d'abord, c'est un ouvrage de commande des éditions de la Découverte et ça me paraît intéressant de le souligner parce que ça montre un intérêt, sinon un regain d'intérêt pour cet événement dans l'espace public français aujourd'hui. Ça montre aussi que depuis presque 25 ans, les travaux ont avancé, la connaissance de ce génocide des Tutsis a progressé, donc il était temps d'écrire une synthèse, oui. Et c'est à cela que ce livre répond. Sur mes travaux de recherche doctorale proprement dite, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire une histoire sur le temps long du génocide, de montrer qu'il ne vient pas de nulle part et qu'il s'inscrit dans une longue histoire rwandaise. C'est un peu l'approche que je privilégie. Alors, Mathieu, puisque vous dites ça, je disais, je me suis aventuré à dire, lors de l'introduction de cette émission, en vérité, c'est le racisme interethnique dans lequel ce pays s'est construit depuis deux siècles, qui explique en partie ce génocide. Vous êtes d'accord avec ça, déjà, d'emblée? Justement, je reprendrai sur le depuis deux siècles. En réalité, c'est un racisme qui naît avec la colonisation au tout début du XXe siècle, guerre avant. Alors, d'accord, donc plutôt un siècle. D'ailleurs, plutôt un siècle. Et vous le citez dans votre livre, le Père Blanc, donc une congrégation de pères missionnaires, Albert Pagès, écrit en 1933. Écoutez bien, je dis bien que c'est en 1933, c'est important de dire à quel moment c'est écrit. Voilà ce qu'il dit. Alors c'est pas une thèse raciste. Il dit ce qu'il voit, ce qu'il croit comprendre de ce qu'on lui dit. Alors il dit voilà, la population du Rwanda comprend trois groupes ethniques bien distincts. Les Batutsis ou Amites, les Bahutus du groupe des Bantous et les Batois ou Négris, en fait les Pygmées. Les Batutsis, donc on appelle les Tutsis en fait, qu'on pense originaires d'Égypte ou d'Abyssinie, sont hauts de taille. Il y en a qui mesurent jusqu'à 2 mètres et même 2 mètres 10. Ils ont les membres bien proportionnés, les traits réguliers, le nez droit, les lèvres fines, et présentent des ressemblances remarquables avec les pharaons d'Égypte. Généralement gais, ils sont d'un abord facile et on impose aux autres par leur allure noble, un peu hautaine mais correcte. Alors que la taille moyenne des Batutsis est estimée à 1m79, celle des Bahutus, on va dire les Hutus pour plus de clarté, s'élève à 1m67. Ceux-ci sont plus trapus et plus courts, et leurs traits sont moins réguliers. Les Hutus sont en général moins séduisants, moins polis et plus timides que les Tutsis. Dans la colère, ils ne savent pas se dominer autant que ces derniers, mais en revanche, ils sont plus simples et demeurent plus sévères. Voilà, cette dernière phrase, la taille moyenne des Batois, ou négris, donc les pygmées, ne dépassent pas 1m59, courts et trapus, assez mal proportionnés. Ils ont plutôt des formes disgracieuses. Alors, c'est évidemment extrêmement choquant, mais je rappelle que c'est écrit en 33. Ça dit beaucoup de choses quand même, ça, non? Dans ces quelques phrases, en fait, on a condensé de ce qui explique en partie, évidemment, le génocide des Tutsis, à savoir un phénomène de racialisation des identités à l'époque coloniale, où l'on considère bien sûr qu'il y a une grande subdivision au sein de l'humanité entre les races blanches et les races noires, mais au sein des races noires également, des sous-groupes de races. Et les Tutsis et les Hutus vont être séparés dans ce cadre-là. On va expliquer qu'ils se distinguent sur des critères physiques, moraux, intellectuels, ce que montre cette citation, mais également sur des critères géographiques. Les Tutsis, en fait, sont des envahisseurs, presque des colonisateurs, qui sont venus après pour dominer une masse de Hutus, pardon, Hutu. Parce qu'ils leur sont racialement supérieurs, tout à fait. Donc le postulat est racial, c'est clair. Alors je reviens, pardon, puisque c'est vous qui m'avez emmené sur les origines, et c'est très bien, moi je reviens maintenant sur vos recherches, quand je dis 25 ans après. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Alors, je ne sais pas si j'appellerais ça zone d'ombre, mais en tout cas, 25 ans après, les travaux, ils en sont encore à leur balbutiement. Et mon livre aussi en fait état. Il y a sans doute des pages, un an après l'écriture proprement dite, sur lesquelles je reviendrai aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'il reste à explorer. Par exemple, comment le racisme a circulé au sein de la population. On connaît assez bien le racisme par le haut, on le connaît un peu moins, en fait, par le bas. Sur le temps du génocide lui-même, on a très peu de travaux sur les stratégies de survie élaborées par les Tutsis qui ont réchappé. On a une historiographie qui est surtout centrée sur les bourreaux. On sait combien de Tutsis, en proportion, pas en valeur absolue, en chiffres, mais combien de Tutsis sur l'ensemble de la population ont pu échapper à l'horreur? Alors, en valeur absolue, on a parlé tantôt de 150 000 survivants, tantôt de 300 000. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de donner une proportion. Oui, c'est pour ça que je vous mets une proportion par rapport à l'ensemble des... À peu près 25%. 25% a survécu. Autour d'un quart. Ça veut dire que 75% de cette population a été massacrée. Exactement, ce qui représente à peu près 12% de la population du pays en 1994. Est-ce qu'il y a encore, on a parlé des zones d'ombre, est-ce qu'il y a encore des non-dits? Parce que ça aussi, c'est important. On a même parlé d'une certaine forme de négationnisme en France. Certains historiens ou journalistes l'ont évoqué. Il y a encore des non-dits? Il y a encore quelque chose du ressort d'un négationnisme par rapport à ce génocide? il y a un négationnisme extrêmement fort à l'endroit du génocide des Tutsis, qui n'est pas uniquement français. On le retrouve en dehors de France. J'imagine, oui. Mais il est particulièrement important en France aussi, parce que les responsabilités, je vais dire les choses ainsi, françaises dans le génocide des Tutsis, elles sont réelles. Et donc ce négationnisme français, il s'articule aussi à un discours sur ses responsabilités et sur la possibilité ou non de les reconnaître. Alors l'attentat et la mort, l'attentat contre le président Habyarimana et sa mort en avion, est-ce que c'est vraiment l'élément déclencheur? Je dirais que c'est le point de bascule. C'est le moment où le génocide commence. En revanche, ça n'explique absolument pas le génocide. Ce qui explique le génocide, c'est la cristallisation du racisme à l'époque coloniale, également après l'indépendance, et la circulation de ce racisme au sein de la société et de la politique rwandaise. L'attentat, il vient marquer un début, c'est un peu ce qui marque le point de bascule, mais ça n'explique rien. D'accord, c'est le point de bascule. Ça veut dire qu'il y avait un contexte, bon, on l'a raconté dans le récit, on va pas y revenir. Quand même, la radio, c'est la plus belle des choses. Ça peut être la pire aussi. La radio Mille Collines, c'est terrible, ces appels au meurtre par les ondes. Alors évidemment, c'est efficace, hein, mais c'est épouvantable. Bah, c'est une radio qui est créée... C'est d'une grande violence. Les paroles qu'on a entendues, qui émanaient des ondes, sont porteuses de cette violence épouvantable. Elle s'inscrit en fait, la radio des Mille Collines, dans la naissance, dans le début des années 90, de nouveaux médias, de presse d'abord des journaux. Mais lorsque la radio des télévisions libres des Mille Collines, en 1993, commence à émettre, ça décuple la possibilité qu'ont ces discours de se diffuser au sein de la société. Aujourd'hui, ce serait par les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que tout le monde écoutait la radio. Oui. En revanche, ce qu'on disait à la radio circulait, y compris auprès de gens qui n'écoutaient pas eux-mêmes la radio-télévision libre. Donc ça partout chez tout le monde, quoi. Sur le mode du oui-dire, par exemple, dans les cabarets, dans les marchés. Donc le pouvoir de diffusion des discours par la radio, il ne tient pas seulement aux gens qui l'écoutent, mais aussi à la manière dont ces discours se diffusent. Absolument. Le tribunal pénal international pour le génocide du Rwanda a fixé la date de la fin du génocide au 17 juillet 1994. C'est la réalité ou fallait trouver une date? À quel moment on peut dire que ça s'arrête? Parce que c'est diffus, ce genre de choses. Ça s'arrête pas un moment, à une minute pile, quand on ne donne pas rendez-vous. Il y a encore, y compris après juillet 1994, des violences contre les Tutsis. Si on a choisi la date du 17 juillet, c'est parce que ça marque la fin de la guerre concomitante au génocide entre l'armée rwandaise, qui en bonne partie a participé au génocide, et le Front patriotique rwandais. Le Front patriotique rwandais, au 17 juillet, a conquis, je vais dire les choses ainsi, l'ensemble du pays, à l'exception de la petite zone au sud-ouest, pas si petite d'ailleurs, qui est sous le contrôle des militaires français dans le cadre de l'opération turquoise. C'est pour ça qu'on a choisi cette date. Bien. On va écouter maintenant, ensemble, le témoignage d'un rescapé du génocide, un Tutsi qui vit aujourd'hui à Bruxelles. Il s'appelle Benjamin Rutabana. Il appartenait au FPR de Paul Kagame. Il a participé à l'avancée de ses troupes vers Kigali à la fin du printemps 94. Aujourd'hui, cet homme, qui est un chanteur populaire rwandais, est un opposant à Kagame. Cet entretien au micro de notre reporter Gaylor Van Wimersch date de novembre 2014. Je m'excuse, pas de problème. C'est le quartier africain de Bruxelles? Ouais. C'est l'un des quartiers africains, parce qu'il y a Matongue qui est quand même purement zaïrois, si on peut dire. Oui, je suis Tutsi. Je suis Tutsi d'Obisesero. Obisesero, c'est la campagne, ce sont les éleveurs. C'est une région qui a pu combattre, qui a pu résister pendant le génocide. Bien sûr, à la fin, ils ont été exterminés, mais ils ont pu résister. Vous êtes arrivé quand en Europe? Il y a 10 ans, en 2004. Comme actuellement, je suis considéré comme indésirable au Rwanda, la première chose que j'évite, ce sont les cafés rwandais. la communauté rwandaise est très divisée parce que bah, tous ces gens que je fuis sont les gens qui se trouvent contraints de servir le régime. C'est comme ça, c'est ça la dictature. Toutes les étapes qui précèdent le génocide, on les a vécues depuis mon enfance. La stigmatisation du peuple, la déshumanisation, traité de cafard depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Donc, pour moi, le génocide a été préparé longtemps. Est-ce que ceux qui le préparaient savaient qu'ils préparaient un génocide ? Je ne crois pas, mais ils l'ont préparé malgré tout. Il y avait des massacres des Tutsis depuis 59. L'idéologie n'était pas autre. C'était mentionné dans les pièces d'identité, ethnie Tutsi ou ethnie Hutu. Et nous, on avait la honte d'être ce qu'on était. Pour nous, même pour nous les Tutsis, c'était normal que les Hutus attendent le moment venu pour nous tuer. On nous y avait habitués. La période du génocide, moi, j'étais dans les rangs du FPR. L'armée de libération des Tutsis. Voilà. Paul Kagame a donné l'ordre aux troupes d'avancer vers Kigali. Quand on est arrivé là-bas, c'était l'horreur. Il y avait des tas et des tas de cadavres partout. Partout où on passait, c'était terrible, quoi. J'ai perdu tout le monde. Tout le monde, ma famille, ma mère, mon frère avec ses 8 enfants, il avait pris son petit garçon. Il disait que si jamais il survit, qu'il puisse survivre avec l'un de ses enfants au moins, jusqu'à ce qu'il ait été tué avec son enfant. Et vous savez qui a tué, par exemple, votre mère ? Je sais qu'il est toujours en vie. Je sais qu'il est en Angleterre actuellement. C'est quelqu'un, chez moi, c'était comme sa famille. Je le prenais pour un grand frère, mais je ne sais pas. Dans son cœur, il y avait la haine ou la jalousie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à pardonner ? Bah, je ne sais pas si on peut appeler ça le pardon. Pourquoi pardonner d'abord ? Parce que personne ne m'a demandé pardon. Je n'ai pas le cœur de vengeance, ça c'est sûr. Je crois que c'est un long processus. Mais si on peut considérer ça comme le pardon... Je ne déteste pas tous les Hutus pour ce qu'ont fait la milice Interahamwe, non. Parmi mes grands amis, il y a les Hutus. Ce qui va instaurer la réconciliation, c'est un état de droit où chacun se sente fier d'abord d'être Rwandais et s'y continue à se détester, qui se déteste, mais qui sache qu'il y a une barrière qui est la loi et la justice. Et d'ailleurs, est-ce qu'actuellement le problème qu'il y a, c'est le problème des Hutus et des Tutsis ? Parce que les massacres continuent, est-ce que ce sont les Hutus qui continuent ? Non, je ne crois pas. Ce sont la milice du FPR actuellement qui fait ça. C'est donc l'instrumentalisation du peuple, qu'il soit Hutu ou Tutsi, par les politiques. Vous m'avez dit notamment qu'Agamé est en train de préparer un nouveau génocide sans le savoir. Oui, oui, c'est ce que je pense. Parce qu'il y a la déshumanisation, ce qu'il est en train de faire. Soit appeler les gens Ibigalacha. Ibigalacha, ça veut dire les cartes qui ne comptent pas. Comme on parlait d'Inyenzi à l'époque. Inyenzi, c'est cafard. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment au Rwanda. C'est ce qui se passe en ce moment au Rwanda et dans la diaspora aussi. Cette façon de créer la peur et la... dire à la jeunesse, même s'ils n'ont pas vécu le génocide, qu'ils ont le péché originaire d'être Hutu, ça c'est terrible. Kagame, il veut d'abord créer une barrière pour celui qui voudrait s'opposer à ses idées. Tu ne dois pas bouger. Quando chova gora, Là, je parle de la souffrance du Rwanda. Quand je pense à toi, Rwanda, ma tête est cassée. Je me demande ce qui t'en veut. Florent Piton, quand ce témoin dit en substance la politique de Kagame en ce moment, qui n'est pas un grand démocrate, hein, rappelons-le, la politique de Kagame en ce moment est de nature à créer une situation qui pourrait déboucher sur un nouveau génocide, est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que c'est votre sentiment également? Très honnêtement, non, pas particulièrement. Que le pouvoir rwandais aujourd'hui soit un pouvoir... fort, c'est moins qu'on puisse dire, c'est incontestable. En revanche, je pense qu'il y a eu des tentatives d'atténuer l'importance des identifications qu'on appelait identifications ethniques dans le Rwanda d'aujourd'hui. Et un des indices qui permet de le montrer, c'est le fait que dans les discours publics, en tout cas, les gens parlent des identités Hutu et Tutsi au passé. On entend, j'étais par exemple au printemps au procès qui avait lieu à Paris de deux bourgmestres accusés de génocide et installés en France. Et les témoins rwandais qui venaient témoigner à la question de savoir s'ils étaient Hutu et Tutsi répondaient « J'étais considéré comme Hutu et Tutsi ». Alors, bien sûr, c'est des discours publics, ça ne préjuge pas des discours privés. Mais il me semble que c'est un indice tout de même que ces identifications, elles n'ont plus vraiment court dans l'espace donc politique. C'est une grosse part du danger qui est évacuée, là, finalement, à partir de là. Voilà. Alors, est-ce que Kagame bénéficie aujourd'hui, vu qu'il était Tutsi, et que les victimes dans ce génocide sont quand même, et avant tout, les Tutsis, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'impunité historique, finalement, pour un pouvoir Tutsi, par rapport à ce qui s'est passé? Alors, je ne dirais pas que c'est un pouvoir Tutsi. Je pense que ce... Alors, des Tutsis au pouvoir. Justement. Même pas. Il n'existe pas, aujourd'hui, de communauté Tutsi ou de communauté Hutu homogène dans le Rwanda d'aujourd'hui. D'accord. Ceux qui arrivent au pouvoir après 94 sont effectivement majoritairement Tutsi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils représentent tous les Tutsis. Ils représentent les Tutsis installés en exil auparavant, singulièrement ceux installés en Ouganda. Donc, lire la société politique d'aujourd'hui au prisme de ce clivage-là me paraît un peu allez, dites-le. Une fausse route, on peut le dire comme ça. J'assume. Bien, merci pour cette précision. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, on glisse tout naturellement vers la situation d'aujourd'hui, comment se porte le Rwanda, ça veut dire comment se portent les Rwandais 24 ans après, quels sont les souvenirs, quelles sont les séquelles, en quoi la politique d'aujourd'hui, la façon de vivre d'aujourd'hui au Rwanda est-elle influencée par ce... Le génocide aujourd'hui au Rwanda, il est encore présent partout. Mais oui. En histoire, on dit parfois qu'il n'y a pas de vraie rupture historique. J'aurais tendance à penser que le génocide des Tutsis, tout de même, est une vraie rupture historique, dont les conséquences se nichent dans tous les aspects de la vie sociale. Dans le rapport, par exemple, à la cigarette. C'est-à-dire c'est des intuitions, hein, mais on ne fume pas en public au Rwanda aujourd'hui, et peut-être que c'est aussi lié au fait que fumer en public s'est associé à certains groupes violents pendant le génocide. Là encore, ce sont des intuitions, mais il me semble que on peut lire jusqu'au les conséquences moins au signe, comme ça, voilà, symbolique, un peu partout. Ça veut dire que si les plaies ne sont plus dans la chair, elles sont encore dans les âmes. Ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre comme si une horreur pareille ne s'était pas passée. Forcément, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, j'imagine. Tout à fait. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu des politiques de réconciliation qui ont été menées. Mais c'est important, ça. Oui, comment s'est menée cette réconciliation? Parce qu'on partait vraiment de très bas, pour le coup. Ça a été fondé, pour l'essentiel, sur une logique de pardon. L'idée, c'était que les génocidaires supposés demandent pardon à leurs victimes et que ces victimes leur accordent ce pardon, ce qui donnait lieu à toute une série de remises de peine. Alors aujourd'hui, quand il s'agit de mesurer les conséquences, les effets, les résultats de cette politique de réconciliation, on peut s'appuyer sur des enquêtes qui ont été menées par une commission qui s'appelle la Commission Nationale Unité et Réconciliation, qui a été créée dans les années 90. On voit bien d'où c'est inspiré, notamment d'Afrique du Sud. Et ces enquêtes, elles aboutissent à la question de savoir si les gens ont l'impression de vivre dans un pays réconcilié à des résultats très positifs. Pour autant, il y a quand même des questions qui nous montrent qu'il faut nuancer ce discours. Il y a une question dans les enquêtes de la Comité nationale Unité de réconciliation qui me paraît intéressante, c'est celle de savoir si les gens seraient prêts à nouveau à commettre le génocide s'ils en avaient les moyens. Oui. Et à cette question, les personnes interrogées, elles répondent entre 30 et 40% positivement. Donc, il y a bien une politique de réconciliation qui a fonctionné, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Voilà, que les périls sont effacés. Il y a toujours une perception de la menace. Je rappelle le titre de votre livre, Florent Piton, Le génocide du Rwanda aux éditions La Découverte. Merci Florent Piton. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le génocide au Rwanda. Merci à Stéphane Beaujat qui était à la technique aujourd'hui.